Actualité, page 16. Nouvelle classification des amendes concernant le code de la route. Depuis le mois de juillet, certaines contraventions ont été majorées par le législateur. Le décret numéro 2015-808 du 2 juillet 2015 du code de la route a modifié la classification de certaines infractions sur le stationnement très gênant. Ces infractions précédemment classées en deuxième classe, R417-10, et sanctionnées d'une amende de 35 €, sont passées en quatrième classe, R417-11, à 135 €. Quelques exemples des infractions en matière d'arrêt et de stationnement concernées par ce nouveau classement. Sur les passages réservés à la circulation de certains véhicules, transport public, taxi, à proximité des signaux lumineux ou de panneaux de signalisation lorsque cela masque ces derniers aux usagers de la voie, sur les trottoirs, les voies vertes, les bandes et pistes cyclables, sur une distance de 5 mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, devant les bouches d'incendie. Vous pouvez retrouver le détail de ces mesures et l'ensemble de la législation en vigueur sur le site www.legifrance.gouv.fr. Cette page est illustrée par quelques représentations de stationnement à l'abord d'un carrefour. Espacement supérieur à 5 mètres, interdiction de stationner à moins de 5 mètres d'un passage piéton dans le sens de la circulation en dehors d'un emplacement matérialisé, interdiction de stationner devant les bouches incendie, emplacement matérialisé, interdiction de stationner sur les trottoirs, stationnement masquant la signalétique aux autres usagers.